D'accord. Merci beaucoup. Alors, c'est pas le il manquait la fin au thème. C'est pas pourquoi l'addiction aux jeux vidéo, c'est pourquoi l'addiction aux jeux vidéo n'existe pas. Ce qui change complètement le sens de mon intervention. En fait, non, je vais essayer de parler de l'addiction aux jeux vidéo et dire pourquoi ça n'existe pas, pourquoi c'est pas une addiction du tout. Mais d'abord, je vais placer un tout petit peu le contexte. En France, dans les services d'addictologie, le motif numéro 1 de consultation, c'est pour l'addiction au cannabis. Le motif numéro 2 de consultation, c'est ex aequo pour l'addiction au tabac, l'addiction à l'alcool et l'addiction aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui consultent, ou plutôt qui. Parce que on suppose que c'est majoritairement des mineurs qui sont amenés par leurs parents. Donc il y a beaucoup de gens qui consultent, ou plutôt qui viennent consulter pour leurs enfants, car paraît-il, ils seraient addicts aux jeux vidéo. Donc ça, on va en parler un tout petit peu. Alors avant d'en parler, il faut que je précise quelques concepts de médecine, d'addictologie, que je définisse ce que c'est qu'une addiction, blablabla, blablabla. Donc ça va être un tout petit peu technique, je fais ça vite fait, et après on peut en discuter. En gros, l'addiction, pendant très longtemps, c'était l'addiction à une substance. Comment c'était censé marcher? Comment est-ce que les médecins décrivent ça? Bah, si jamais, par exemple, alors y a des substances qui sont addictives, d'autres qui ne le sont pas. Et une substance addictive, comme par exemple la nicotine, ça fait quoi? Ça modifie notre cerveau pour créer un besoin de nicotine. Et du coup, si je prends de la nicotine, si j'en prends longtemps et en grande quantité, au bout d'un moment, mon cerveau a besoin de nicotine, et si j'en ai pas, je ressens le manque. Et donc le manque, c'est à la fois un problème psychologique et un problème physique. Donc pour la nicotine, ça va être des tremblements, ça va être des sueurs froides. Le manque pour des drogues plus lourdes comme l'héroïne, ça peut être des vomissements, de la nausée ou des problèmes plus graves. Et du coup, je suis accro à cette substance, je suis addict à cette substance. Cette définition-là, cette définition médicale, elle est pas mal contestée, elle est pas mal remise en question, principalement parce qu'on a pris l'habitude d'utiliser addict, accro, comme une métaphore, comme une image, pour parler de tous nos comportements compulsifs ou excessifs. On peut très facilement dire ah, je suis accro à machin, je suis accro à ceci, je suis accro à ça, moi je suis addict au fromage dans les pâtes, enfin c'est voilà, c'est un peu compliqué. Et alors, je cite pas ce truc-là par hasard, parce que quand j'étais au lycée, il y a eu des policiers qui sont venus nous parler d'addiction dans notre lycée, pour nous expliquer, nous prévenir, attention, l'alcool, machin, etc. Et sont venus nous expliquer ce qu'était une addiction. Et ils nous ont dit, l'addiction, c'est quand... Alors, c'était pas très clair leur truc, hein. Ils avaient commencé à dire, l'addiction, c'est quand c'est moins bien sans. Ils étaient en train de nous dire, on est accro à l'alcool quand une soirée sans alcool, c'est moins bien. Et je comprenais mal leur définition, et c'est pour ça que je leur avais dit, mais alors moi, je préfère mettre du fromage dans mes pâtes, est-ce que je suis accro au fromage? Et donc, ils ont été un peu décontenancés, ils m'ont dit oui. Donc là, c'est là qu'on voit qu'il y avait une définition de l'addiction qui était plus du tout médicale, mais qui était une simple définition de prévention, qui était une définition qui était faite pour alerter et pour faire peur. Pour faire peur aux jeunes vis-à-vis de la consommation d'alcool. La définition de l'addiction, elle peut être modifiée, notamment elle a été modifiée à partir du moment où on a commencé à traiter le jeu pathologique. Donc le jeu pathologique, je parle ici du jeu d'argent, le jeu d'argent pathologique, c'était une pathologie qui a détruit des familles, qui a détruit des gens, qui sont endettés terriblement parce qu'ils n'arrivaient pas ils n'arrivaient pas à gérer leur pratique du jeu d'argent et des paris, et ils se ruinaient. Et on a utilisé du coup le modèle de l'addiction à une substance pour le jeu pathologique en disant c'est pareil, c'est des gens qui peuvent plus s'en empêcher, etc., etc. Et à partir du jeu pathologique, on a construit la définition des addictions sans drogue, donc l'addiction sans substance, l'addiction au jeu, l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction à Internet, l'addiction à la pornographie, l'addiction au sexe, l'addiction au sport, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a tout un courant en addictologie qui est le courant des addictions comportementales, qui étudie les addictions sans substance. Alors, comme il commence à pleuvoir vachement, est-ce que les gens qui sont sous la tente peuvent se rapprocher un petit peu pour permettre à d'autres gens qui voudraient de se mettre sous la tente? Voilà. Essayez de faire attention qu'il y ait toujours un peu de place, parce que je sais que les gens vont pas forcément oser vous demander d'en faire. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vous mettre sous la tente, on va faire de la place et tout. Ah voilà. Cette pluie. Ouais, voilà. Cette pluie providentielle m'apporte un public captif, ce qui est très bien. Je sais que vous ne pouvez pas repartir jusqu'à ce que la pluie soit terminée, donc je vais en profiter. Faites un petit peu place. Il y a encore des gens qui sont sous la flotte. Voilà. Donc je rappelle le thème. J'étais en train de parler d'addiction. Oh, j'étais en train de parler d'addiction comportementale, c'est-à-dire d'addiction sans substance. D'addiction aux jeux vidéo, d'addiction à la pornographie, d'addiction aux jeux, à Internet, etc. Et d'expliquer pourquoi ça n'existe pas. Exactement pourquoi c'est pas des addictions. Même si c'est le discours qui, pour le moment, prédomine en addictologie, prédomine dans les médias et prédomine dans les discours politiques. Il y a en France toute une organisation... il y a des organisations, il y a des auteurs, il y a des médecins, il y a des addictologues, il y a des psychanalystes qui défendent ce modèle d'addiction comportementale et qui sont très écoutés, qui passent dans les médias, qui écrivent des bouquins, qui sont auditionnés par le Sénat et dont on écoute énormément les avis pour penser les politiques médicales. Alors, maintenant que j'ai expliqué... Voilà. Cette idée qu'on peut avoir des addictions sans substance, elle amène à repenser la définition même de l'addiction. Puisque, comme j'ai dit, la définition de l'addiction à une substance, à la base, c'est quand une substance modifie notre cerveau pour faire qu'on ne peut plus s'en passer. C'est ce que fait la nicotine. Il y a des substances addictives et des substances non addictives. Les tenants de l'addiction comportementale ont eu des problèmes parce que, pour l'addiction aux jeux vidéo, par exemple, il n'y a pas un tel phénomène. Le jeu vidéo ne modifie pas notre cerveau pour nous rendre dépendants au jeu vidéo. Donc ils ont dû redéfinir ce qu'était l'addiction. Et ils utilisent une définition. Voilà. Ils utilisent une définition qui n'est plus du tout une définition médicale à base de trucs qui se passent dans le cerveau, mais qui est une définition purement comportementale. C'est-à-dire, par exemple, devant le Sénat. Voilà. Alors. Mais c'est dingue. Voilà. Alors qu'il. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec ce truc? Voilà. Ça marche? Super. Merci beaucoup. Alors qu'il était auditionné par le Sénat, par exemple, Marc Valeur, qui est l'un des auteurs de ce livre sur les addictions comportementales, expliquait que pour lui, une addiction, c'était quelqu'un qui continuait un comportement malgré des conséquences négatives. Voilà. Donc là, on voyait bien que c'est pas une définition qui est basée sur ce qui se passe dans le corps de quelqu'un, mais qui est une définition qui est basée uniquement sur le comportement qu'a cette personne et ce qu'on peut en observer. Cette définition-là, elle amène à dire des trucs, puisque c'est ça leur discours, qui est que tout ce qui est potentiellement agréable peut devenir une addiction. Contrairement aux substances où il y a des substances addictives et des substances non addictives, là, c'est tout ce qui est agréable peut devenir une addiction avec un... Alors leur explication médicale, vous allez voir, elle est hyper pertinente. Ils disent, si on fait quelque chose d'agréable, on va avoir envie de le refaire. Et du coup, on va pas pouvoir s'en empêcher au bout d'un moment. Alors il manque un bout d'agréable, on va avoir envie de le refaire. On va en avoir envie de plus. Jusqu'au moment où ça va cesser de devenir agréable, et on va le faire quand même, et on va plus pouvoir s'en empêcher. Voilà, ça c'est leur discours. Alors derrière ils disent que c'est parce qu'il se passe des trucs neurologiques dans la tête à base de dopamine, d'hormones, de machin, etc. Des choses qui n'ont jamais été observées médicalement, pour lesquelles on n'a aucune preuve, aucun indice, on n'a rien du tout. Mais c'est leur discours quand même et c'est leur théorie. Et même s'il n'y a rien qui vient la baquer, ben voilà. Alors cette définition de l'addiction, elle est super bizarre. Parce que du coup, à peu près n'importe quel comportement peut être qualifié d'addiction. Si je dis l'addiction, c'est quand je continue un comportement malgré des conséquences négatives. Enfin, c'est pas scientifiquement, c'est bizarre. Être homosexuel au Maroc, par exemple, ça a des conséquences négatives. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un... Enfin, c'est pas une addiction, en fait. Et Le problème avec ça, c'est que il y a énormément de préjugés et de poids sur les comportements qui vont se retrouver médicalisés. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est l'addiction à Internet. L'addiction à Internet, à une époque, parce qu'il fallait placer un curseur pour savoir quand est-ce que les gens étaient addicts à Internet, ils plaçaient un curseur en fonction du temps passé. Et donc ils disaient, si on passe 2 heures par jour sur Internet, c'est qu'on est addict. Voilà, ça fait partie des indices. En France, en moyenne, les Français passent 3h30 devant la télé. Mais il n'y a pas d'addiction à la télévision. Personne ne se demande si ce n'est pas le signe d'une addiction. Pourquoi ? Parce que la télévision, c'était une activité considérée comme légitime, quand tout le monde trouve ça normal, alors que Internet, c'était encore une activité qu'on considérait un petit peu comme illégitime et potentiellement dangereuse. D'ailleurs, maintenant, plus personne ne dit que 2 heures par jour passées sur Internet, c'est une addiction. Principalement parce qu'il y a plein de gens qui utilisent Internet dans le cadre de leur travail. Donc il y a des psychiatres américains qui ont commencé par dire « Ah mais non, en fait, l'addiction, c'est à partir de 2 heures par jour passées devant Internet, hors du cadre du travail. » Et là, on sent bien l'idéologie derrière, qui est de dire que si je le fais dans le cadre du travail, ça le fait. Si je le fais dans le cadre du loisir, oula, c'est bizarre que j'en fasse trop. Et maintenant, ça a été carrément retiré, puisque comme on a tous des smartphones, il y a des gens qui passent énormément de temps sur Internet parce qu'ils y passent du temps dans les transports, dans les machins, etc. Et donc ce critère de temps a été enlevé ou alors a été rallongé sans que ce soit scientifiquement justifié. Il n'y a aucune base scientifique derrière ça, c'est juste des préjugés qui sont traduits. Là, par exemple, quand on veut faire des chiffres, il y a une étude qui a été publiée il n'y a pas longtemps qui disait qu'un adolescent sur 7 avait une pratique problématique vis-à-vis des jeux vidéo. Ça, c'est très facile, en fait. Il suffit de bien définir problématique. Donc, pratique problématique, ça va être quand... déjà, c'est une question de temps, à partir de 2 heures par jour. Problématique, ça va être quand ça pose des problèmes avec l'entourage. Alors, quand ça pose des problèmes avec l'entourage, c'est vraiment... Ce qui est pratique avec ça, c'est que c'est autoréalisateur. C'est-à-dire que plus vous dites dans les médias qu'il y a des jeunes qui ont une pratique problématique des jeux vidéo, et plus vous aurez des jeunes qui jouent aux jeux vidéo et que ça pose problème avec l'entourage. Donc on voit bien que là encore, scientifiquement, c'est très douteux. L'autre truc, évidemment, c'est quand on commence à dire problématique, c'est aussi à partir du moment où on commence à renoncer à autre chose pour cette pratique. Allô, voilà. Problématique, c'est quand on commence à dire aussi, quand on commence à renoncer à d'autres activités. Donc si un jeune commence à renoncer à d'autres activités et à moins se travailler à l'école et à moins se voir ses amis et à moins se faire autre chose pour jouer aux jeux vidéo, c'est probablement une addiction. Là encore, c'est clair comme truc, c'est-à-dire que si je décide d'arrêter de faire du... Si je décide... Ah, bon sang. Merci. Si je décide... La prochaine fois, je le ferai moi-même, c'est promis. Si je décide d'arrêter de faire du football pour faire de l'aïkido, donc j'ai bien renoncé à une activité pour faire de l'aïkido, est-ce que ça veut dire que je suis accro à l'aïkido ou juste que j'ai un autre loisir? Et là où on le voit, c'est sur Europe 1, ils ont passé un reportage très rapidement le matin dans lequel ils présentaient un jeune de 14 ans, ancien addict aux jeux vidéo, dont le principal signe de son addiction, c'est qu'il avait eu 0 à un devoir parce qu'il avait préféré jouer aux jeux vidéo que travailler. Voilà. Ce qui est très bizarre, encore une fois, parce que quelqu'un qui préfère s'amuser plutôt que travailler, il y a plein d'autres explications que celle de l'addiction. Et donc là où cette définition se montre pour ce qu'elle est, c'est dans ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est une pathologisation de comportements considérés déviants, complètement déconnecté d'une quelconque base scientifique. Sérieuse, je veux dire. Par exemple, il y a une étude qui est assez intéressante, une vraie étude, qui est parue aux États-Unis sur l'addiction à la pornographie. Et il y a un type, en fait, c'est un sociologue qui a étudié qui s'est renseigné sur la question de savoir quand est-ce que les gens se considéraient addicts à la pornographie. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de corrélation entre le temps passé Ah voilà. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de corrélation entre le temps passé à regarder du porno et le fait de se considérer addict. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se considéraient pas addicts même s'ils en regardaient beaucoup, il y avait des gens qui se considéraient addicts alors qu'ils en regardaient pas du tout. Il n'y a aucune corrélation entre le fait de regarder beaucoup de porno et le fait de se considérer addict à la pornographie. En revanche, il y a une corrélation très forte entre le fait de se considérer addict à la pornographie et la ferveur des convictions religieuses. Plus on était, plus aux États-Unis on est fervent croyant, plus on se considérait comme accro à la pornographie, indépendamment de sa consommation. C'est-à-dire que plus on considère qu'on ne devrait pas aimer le porno, plus on considère qu'on ne devrait pas regarder de la pornographie, plus on considère son désir comme étant une pathologie. Et c'est là où on voit le côté très idéologique de cette maladie. C'est une pathologisation, c'est une médicalisation du désir illégitime. À une époque, la tentation, le fait d'avoir envie de quelque chose alors qu'on n'avait pas envie d'avoir cette envie, la tentation était diabolisée, au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on disait que c'était la faute du diable. Aujourd'hui, on a arrêté de faire ça, mais on l'a médicalisé, on l'a pathologisé. Si jamais j'ai envie de faire quelque chose alors que j'ai pas envie d'avoir cette envie, c'est probablement que j'ai une maladie mentale, je dois être addict sans substance. Ce qui est basé, encore une fois, sur rien d'observable médicalement. Cette définition, elle a outre donc que c'est une manière de culpabiliser des gens pour leurs pratiques ou pour leurs activités, c'est de culpabiliser des gens pour leurs loisirs. À partir du moment où la société estime que ceux-ci sont trop envahissants, à partir du moment où la société estime que ça ne devrait pas être normal qu'un enfant préfère jouer aux jeux vidéo plutôt que réviser, on va le pathologiser. Mais outre que c'est grave pour la société dans son ensemble, c'est aussi grave pour les gens qui ont un vrai comportement pathologique ou qui ont un vrai comportement excessif. Pourquoi? Parce que le fait de qualifier ça d'addiction, c'est un très mauvais diagnostic. En fait, il y a déjà un mot en médecine pour parler des gens qui ont un comportement dont ils ne peuvent pas s'empêcher. On appelle ça une compulsion. Une compulsion, par exemple, la boulimie, c'est une compulsion. Et qu'il y ait des gens qui aient une pratique compulsive du jeu vidéo ou une pratique compulsive de la pornographie, c'est pas du tout impossible en fait. C'est pas du tout impossible. Mais le fait que ce soit une pratique, c'est une addiction. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça implique comme différence? Pourquoi c'est super important de faire la différence entre addiction et compulsion? Parce que la compulsion, l'addiction, c'est une maladie. C'est un symptôme. C'est un syndrome, pardon. Alors que la compulsion n'est pas une maladie, c'est un simple symptôme. C'est une simple composante d'une maladie. C'est une composante visible d'une maladie. On peut avoir, par exemple, la boulimie. La boulimie, bah, c'est une compulsion qu'on peut avoir pour plein de raisons. On peut avoir des périodes boulimiques parce qu'on est en dépression. On peut avoir des périodes boulimiques à cause de stress post-traumatique. On peut avoir des périodes boulimiques pour plein de raisons, à cause de dysphorie. On peut avoir des périodes boulimiques pour tout plein de choses. C'est pas une maladie en soi qui est à la fois sa cause et sa conséquence. Ce que l'addiction est, l'addiction à la nicotine, c'est le fait de consommer de la nicotine parce que j'en ai pris trop et trop longtemps qui fait que je peux plus m'en passer. Dire qu'il y a une addiction aux jeux vidéo, c'est dire que c'est parce que j'ai joué aux jeux vidéo trop et trop longtemps que je ne peux plus m'en passer aujourd'hui. Comme je suis soigné de l'addiction à la nicotine, lorsque je réussis à me passer de cette activité. Ce serait aussi bizarre que de dire, et autant pour le jeu vidéo, c'est une représentation mentale qu'on a nombreux à avoir acceptée, autant on trouvait tous très bizarre de dire, attention, si tu manges trop, tu vas finir boulimique. Tu vas plus pouvoir t'en passer et il va falloir se soigner. Ce n'est pas comme ça que la compulsion marche. Le fait de dire que les gens qui ont une addiction aux jeux vidéo, que les gens ont une addiction aux jeux vidéo et pas une compulsion, ça implique donc qu'ils sont mal diagnostiqués. On diagnostique mal les causes de ça, ce qui est grave, surtout lorsqu'on fait de la prévention, puisque on applique les méthodes de prévention du cannabis, de la drogue. Et des drogues dures, enfin et de l'alcool aux jeux vidéo, Comment est-ce qu'on fait de la prévention par rapport à l'héroïne, par exemple, en disant aux gens de ne pas commencer? Parce que s'ils commencent, eh ben, ils vont finir par être addicts, en fait. Aux jeux vidéo, c'est pareil maintenant. Maintenant, vous avez des posters avec alcool, cannabis, héroïne, jeux vidéo. Si vous avez un problème, parlez-en, quoi. Alors que c'est pas ça, en fait. Le pire, c'est qu'ils le savent. Là, j'ai un bouquin de Marc Valeur et de Jean-Claude Matisiak qui s'appelle « Les nouvelles formes d'addiction, l'amour, le sexe, les jeux vidéo ». En fait, eux, c'est des pontes en addictologie. Marc Valeur, c'est un psychiatre médecin-chef à Marmottan. Et Jean-Claude Matisiak, il est chef d'un service de traitement de maladies addictives à l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges. Donc c'est des pontes, ils sont à la tête de leur propre service. Et ils sont très écoutés. Marc Valeur, il a été auditionné par le Sénat. C'est des gens très écoutés. Donc eux, leur point de vue, c'est qu'ils défendent l'idée de l'addiction comportementale. Avec des dérives qui peuvent être vraiment très, très, très, très étonnantes. Par exemple, là, je vous lis un petit bout du quatrième de couverture. Il y a ceux qui passent des heures à jouer sur leur console jusqu'à en oublier le reste de leur vie. Ceux qui s'adonnent à la passion en sénant un coup de foudre après l'autre. Ceux qui, après une journée sans sexe, sont en état de manque. Plus surprenant encore, il y a ceux qui, incapables de se séparer d'un partenaire maltraitant, sont devenus addicts à leur conjoint. C'est-à-dire que quand on commence à traiter les relations toxiques et la violence conjugale en termes d'addiction, c'est qu'on est en train d'appliquer ça peut avoir des conséquences graves, en fait, d'appliquer cette grille-là à des trucs qui n'en sont pas. Donc, outre les dérives complètes de ça, outre les dérives d'agréable peut devenir une addiction, voire même un truc pas agréable peut devenir une addiction parce que point, ça fait que c'est maltraité, ça fait que c'est mal dépisté, ça fait que c'est mal fait aussi au niveau de la prévention. Et voilà, et la dernière chose, le fait que ce soit maltraité, ça l'est où? Ben, quand on a une addiction, on est soigné le jour où on arrête ce comportement. Mon addiction à la nicotine, je suis soigné le jour où j'ai arrêté de fumer. Pour le jeu vidéo, si on dit que c'est une compulsion, ça veut dire qu'il y a une cause autre et je suis soigné quand cette cause autre est réglée. Si c'est une addiction, je suis soigné quand j'ai arrêté de jouer au jeu vidéo. Et alors, je ne l'ai pas ici sur place, mais il y a un entretien de Marc Valeur dans Science et Vie où il parlait des addictions comportementales et de l'addiction aux jeux vidéo qui est très révélateur sur ça. Où il explique que on sait addiction aux jeux vidéo. Alors, ils n'utilisent pas le terme addiction aux jeux vidéo vraiment. Parce que, en fait, en science, en médecine, il y a plein de gens qui savent que c'est du foutage de gueule. L'Académie de médecine recommande de ne pas utiliser ce terme. L'Académie des sciences, l'INPES, l'INSERM, il y a plein de gens qui recommandent de ne pas utiliser le terme addiction aux jeux vidéo. Donc maintenant, ils disent pratique addictive, trouble addictif, problème addictif. C'est pas grave, les journalistes vont traduire de toute façon, mais ils n'utilisent plus le terme addiction parce qu'on leur a dit que c'était pas une addiction, en fait. Et donc, dans cet article de Science et Vie, Marc Valeur explique très clairement, on sait très bien que les troubles addictifs sont des maladies qui se rajoutent sur des maladies déjà existantes. C'est-à-dire, on sait très bien que c'est le symptôme d'autre chose, en fait. Ce sont des maladies qui se rajoutent sur une maladie déjà existante, mais la prise en charge va se focaliser sur l'addiction en elle-même et sur le fait de faire décrocher de la pratique. Après quoi, on peut se poser la question des raisons. Alors oui, comment est-ce qu'on fait décrocher? On leur file du Xanax, en gros. On leur file des inhibiteurs sérotoninergiques, qui sont des médicaments qui ont une pratique anticompulsive, puisque quand on les prend, on n'a plus envie de rien. Donc on n'a plus envie de jouer aux jeux vidéo, c'est très pratique. Et du coup, on leur file ça. Alors ça, ce sont des médicaments, quand on les prend, si on arrête de les prendre, on a un symptôme de manque. Mais c'est pas une addiction, attention, c'est un symptôme de discontinuité. Parce qu'ils peuvent être hyper précis dans les termes quand ils veulent. Et donc du coup, ouais, ils filent du Xanax en disant c'est bon, comme ça ils arrêtent de jouer aux jeux vidéo. Et une fois que le patient est soigné, puisqu'il ne joue plus aux jeux vidéo, on peut se poser la question de la raison. On peut se poser la question de la raison afin d'éviter que ce comportement se reproduise dans une autre pratique addictive. Pas du tout afin de régler les problèmes psychologiques ou sociaux de la personne. Afin d'éviter qu'elle ait une autre addiction. Je veux dire, on ne va pas lui faire arrêter de jouer aux jeux vidéo si c'est pour qu'il se mette à lire des mangas ou à aller sur Internet ou à devenir addict au sport. Voilà. Donc cette manière de voir cette maladie a des conséquences graves en termes de prise en charge, a des conséquences graves en termes de diagnostic, et a des conséquences graves en termes de représentation dans la société des comportements déviants, puisqu'on va qualifier d'addiction des choses qui n'en sont pas. On va pathologiser les gens qui sont à fond dans un loisir, ou les gens qui ne font pas passer comme priorité dans la vie la même chose que la société estime normal et sain. Si je décide d'arrêter de travailler pour je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme addiction qui est rigolote? L'addiction, la glande, ouais. Voilà, l'addiction aux jeux vidéo, c'est ça. Travailler. Venir à nuit debout. Venir à nuit debout. Allez, une addiction, comme il définit ça à un moment donné, comme continuer un comportement malgré des conséquences négatives. Donc, pas longtemps, on devrait se poser la question de l'addiction aux manifestations. Parce que c'est quand même bizarre. Voilà, non mais voilà, en gros cette pathologisation, c'est un truc qui est grave dans l'ensemble de la société et qui est encore plus grave pour les gens qui ont des vrais comportements excessifs et pour les causes de ces comportements qui du coup sont pas du tout questionnés. C'est-à-dire que oui, mais il y a des gens qui parlent d'addiction au travail. Par exemple, si j'arrive pas à décrocher de mon travail, c'est pas du tout parce que je suis un cadre pressuré dans mon entreprise, c'est parce que j'ai un problème psychologique. Il faut que j'apprenne à mieux vivre mon addiction. Voilà. Pour les jeux vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des périodes où j'étais à fond sur les jeux vidéo, où je ne faisais que ça de ma vie. J'ai connu tout plein de gens, on appelle ça des no-life entre nous, hein, plus de vie en dehors. J'ai connu plein de gens qui étaient dans cette démarche-là, et je l'ai été à une époque. Et en fait, c'est principalement parce qu'en dehors, il n'y a rien de satisfaisant dans ton existence, parce que tu n'as pas d'amis au collège, parce que tu te fais harceler, parce que tu te fais persécuter. Et le jeu vidéo, dans ces cas-là, pas tout le temps, mais dans ces cas-là, c'est une sorte d'automédication. C'est ce qui permet de retrouver des sentiments qu'on ne peut pas avoir en dehors. Il y a des psychologues qui parlent de ça, qui disent qu'en termes de besoins humains, on a trois besoins de base psychologiques. On a trois besoins psychologiques de base qui sont le besoin de relations sociales, le besoin de compétences, c'est-à-dire le besoin de se sentir compétent à quelque chose, et le besoin d'autonomie, le besoin de sentir qu'on peut prendre des vraies décisions. Et le jeu vidéo, ça remplit ces besoins-là. On peut discuter avec des gens. On peut avoir des interactions sociales, on se sent compétent à ce qu'on fait parce que le niveau de difficulté est adapté à ce qu'on réussit à faire, et on se sent autonome puisqu'on est en train de prendre des décisions. Et du coup, ça peut être une forme d'automédication, ça peut être une manière de retrouver des choses dont on est privé dans la vie en dehors. Et le fait d'accuser cette automédication d'être la source des problèmes pathologiques, puisque après, quand un jeune se suicide alors qu'il jouait beaucoup aux jeux vidéo, on va dire que c'est à cause du jeu vidéo et pas du tout à cause des raisons qui l'ont poussé à beaucoup jouer aux jeux vidéo et qui l'ont poussé à se suicider, c'est une manière de ne pas se poser la question de « Tiens, pourquoi il y a autant de jeunes qui sont malheureux ? Pourquoi il y a autant de jeunes qui fuient leur existence comme ça ?» Voilà, donc moi j'en ai terminé. Si jamais vous avez envie d'en discuter, si ça vous évoque des choses, si vous avez des questions à me poser, si vous avez raté un bout, si vous voulez m'insulter, c'est maintenant que vous pouvez prendre la parole. Et voilà. Alors le truc, c'est que je ne sais pas qui lève la main ou qui tient un parapluie. Donc il va vraiment falloir vous manifester clairement. Ouais. Bonjour. Excusez-moi, hein, j'ai pas l'habitude de prendre trop la parole en public. J'ai monté ma boîte de développement de jeux vidéo. Et donc je connais un peu les rouages du jeu vidéo. Et moi-même j'étais beaucoup, beaucoup joueur plus jeune. Et depuis 5 ans, il y a un nouveau type de jeu aussi qui est sorti, qui s'appelle le free-to-play. Donc ça consiste à jouer à des jeux gratuits, essentiellement sur téléphone. Et en montant ma boîte, je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Et il est vrai quand même qu'on doit créer des mécanismes de dépendance au jeu pour inciter aux joueurs à dépenser de l'argent. C'est-à-dire que le jeu est gratuit, mais on crée une mécanique. Alors il y a une courbe de progression, par exemple. On doit jongler entre la satisfaction du jeu et entre la frustration. Alors je vois beaucoup de gens, par exemple, qui jouent à Candy Crush. Et on pousse le joueur quand même à jouer, à recevoir de la satisfaction, à débloquer des nouveaux niveaux. Et tantôt, on lui met un niveau très dur pour essayer de le pousser quand même à acheter. Et donc, on crée quand même une certaine dépendance au jeu, dans ce type de jeu. Et d'ailleurs, on appelle les gens qui dépensent de l'argent. On a des noms pour ces joueurs-là. Alors, il y a, par exemple, le plancton, quoi, une espèce de vermine. C'est les gens qui dépensent quelques centimes de temps en temps dans un jeu. Il y a ce qui s'appelle les baleines. c'est des gens qui dépensent 50 euros sur un Candy Crush, quoi, un jeu gratuit. Et il y a des psychologues derrière qui travaillent aussi dans le jeu pour pousser les gens à devenir un peu accro aussi à ce jeu. Alors c'est pas biologique, c'est pas une dépendance du cerveau, mais faire quand même aussi attention à ça, quoi. Et c'est pas en jouant que sur la satisfaction, c'est en jouant sur la frustration et le manque. Alors c'est complètement vrai, je suis complètement d'accord. Après c'est pas des choses qui sont nouvelles, puisque ces mécanismes de dépendance, c'est des choses qui ont déjà été travaillées pour tout ce qui est jeu d'argent, puisque le but c'est ça, hein, c'est de pousser les gens à continuer à dépenser de l'argent. Mais voilà, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est de la dépendance, mais la dépendance ça veut pas forcément dire l'addiction, ce sont deux choses différentes. L'addiction est une forme de dépendance spécifique, il y en a d'autres. Et traiter ça comme une addiction, c'est-à-dire j'ai commencé et maintenant je ne peux plus m'en empêcher, parce que l'activité en elle-même m'oblige à y jouer, c'est parcellaire. Alors je comprends très bien que ça ait besoin d'être traité. Dans le jeu pathologique, c'est vraiment ça, hein. Les gens qui jouent de manière pathologique, voilà, ils peuvent se ruiner. Je sais pas si on peut se ruiner à Candy Crush, mais je pense que c'est déjà au moins arrivé une fois. C'est arrivé, on est d'accord. Mais c'est pas nouveau en soi. C'est ce qui se passe dans les casinos. C'est pas nouveau en soi et c'est effectivement des trucs qui méritent une prise en charge médicale. Ce qui est sûr, c'est que cette prise en charge, mais c'est voilà, dans le jeu pathologique, le jeu d'argent pathologique. Déjà, il y avait la question de savoir est-ce que c'est une addiction ou est-ce que c'est une autre forme de pathologie. Et je suis de ceux qui disent mais c'est pas une addiction, c'est une pathologie, c'est une compulsion. C'est une compulsion qui est entretenue par les professionnels, que ce soit les gérants de casinos ou les professionnels du jeu vidéo qui font du free-to-play. C'est une compulsion qui est entretenue, mais c'est pas une addiction. Et si on le considère comme une addiction, ce sera pas bien traité. Voilà. Quelle différence entre dépendance et addiction ? Je comprends pas bien. La différence, c'est dans la cause. Une addiction, c'est une dépendance qui est une dépendance à une substance causée par la substance. La nicotine, par exemple, c'est parce que j'ai pris de la nicotine et que j'en ai pris beaucoup que je peux plus m'en empêcher. Il n'y a pas d'autre raison. Il peut y avoir d'autres trucs qui s'y rajoutent. Par exemple, j'ai pris l'habitude de porter la cigarette à ma bouche, mais la cause profonde de mon besoin de nicotine, c'est que j'ai pris de la nicotine. La dépendance, c'est juste une constatation. C'est, tiens, j'ai besoin de tel comportement pour me sentir bien, et ça n'induit pas une cause. Je peux être dépendant à quelque chose pour plein de raisons. Ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance psychologique, ça peut être une compulsion. Par exemple, le trouble obsessionnel compulsif, les gens qui peuvent pas s'empêcher de vérifier 100 fois que leur porte est bien fermée chez eux, c'est pas une addiction. C'est pas à force d'avoir vérifié que la porte était bien fermée qu'ils peuvent plus s'en empêcher. Salut. On n'est pas dans l'addiction ici, mais c'est bien une dépendance. Donc, c'est la différence est là. Dépendance, c'est une constatation. Compulsion, c'est un symptôme. Et addiction, c'est une maladie en elle-même. Voilà. Donc typiquement pour les free-to-play, les baleines en l'occurrence, les personnes qui vont jouer à Candy Crush et y dépenser plein d'argent, c'est des gens qui correspondent déjà à un profil psychologique particulier. Pour donner l'image, si je prends quelqu'un que je l'attache sur une chaise et que je lui fais prendre de l'héroïne, au bout d'un moment, elle va développer une addiction. Indépendamment de qui est cette personne, ça peut être plus ou moins long, mais ça va arriver. En revanche, si je prends quelqu'un que je l'attache sur une chaise et que je le fais jouer à Candy Crush, il n'y a pas forcément un truc qui va se développer parce que la dépendance à Candy Crush, c'est pas lié à l'activité en elle-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres personnes qui veulent intervenir ? Oui, non, personne. Est-ce que l'intervenant a été suffisamment clair? Bon, bah, bravo. Du coup, tu peux peut-être conclure ou dire un petit truc en plus et avant de passer à... Ouais, donc je vais conclure en résumant rapidement ce que j'ai fait pour les gens qui sont arrivés en cours. Globalement, voilà ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le fait de considérer les dépendances à une activité, la dépendance aux jeux vidéo, la dépendance aux jeux d'argent, la dépendance au travail, la dépendance au sport, pornographie, comme une addiction, c'était le retour d'un vieux discours conservateur qui vise à pathologiser les comportements déviants. Que ce discours conservateur est basé sur rien de médicalement reconnu, que l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'INPES, l'INSERM déconseillent de parler d'addiction aux jeux vidéo ou d'addiction au sport, mais qu'il y a tout plein de psychiatres qui continuent à le faire quand même en parlant de pratiques addictives, en parlant de troubles addictifs, pour que les journalistes parlent d'addiction, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de consultations en addictologie pour l'addiction aux jeux vidéo que pour l'addiction au tabac ou à l'alcool, alors que ça n'existe pas ou par exemple que c'est pas une addiction, que le fait de considérer ça comme une addiction, c'est se tromper sur les causes de ce problème-là et donc mal soigner et mal prévenir, mais que même si en science on sait très bien ça, même si la médecine ne reconnaît pas ces trucs-là, ces gens-là ont énormément de pouvoir institutionnel. En addictologie ou en médecine, en première année, on apprend que l'addiction aux jeux vidéo, c'est un truc qui existe. Ils sont écoutés par les médias, ils sont écoutés par les politiques. Et on arrive au point, et là c'est ma conclusion, on arrive au point où démontrer que ces gens ont tort ne suffit plus. Démontrer que ces gens ont tort ne suffit plus, ça a été démontré 100 fois, c'est prouvé. Ils ont toujours pas réussi à prouver, leur dire, ça fait 15 ans qu'ils cherchent une preuve que l'addiction aux jeux vidéo est une chose et ils la trouvent toujours pas. Donc démontrer que ces gens ont tort ne suffit plus parce que en fait, ils ont une bonne raison de continuer à tenir leur discours. C'est que ça remplit leur salle d'attente, ça leur fait être écoutés par les médias et ça leur fait avoir de l'argent en fait, ça leur fait avoir des financements pour leurs recherches. Donc démontrer que ces gens ont tort ne suffit plus, au bout d'un moment, il va falloir commencer à arrêter de s'adresser à eux et s'adresser de manière générale au public, aux médias, au pouvoir public, de manière à contrecarrer leur discours avec un contre-discours qui soit aussi audible que le leur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lobby pour ça. Il n'y a personne qui a fermement intérêt à dire que l'addiction aux jeux vidéo, c'est pas une addiction. Parce que bah, les joueurs, c'est souvent des mineurs qui sont isolés. Et donc, il n'y a pas de groupe citoyen ou il n'y a pas de groupe d'intérêt qui peut s'opposer vraiment à ces gens-là. Et c'est pour ça que leur discours continue à être écouté. Et voilà, et donc j'espère qu'un tel groupe va naître un jour, peut-être à Nuit Debout, mais je pense pas parce que c'est quand même très éloigné des préoccupations de Nuit Debout. Mais moi, c'est dans mon ambition de faire naître un groupe comme ça à un moment donné quand j'aurai du temps dans ma vie. Et voilà, et j'espère qu'à ce moment-là, vous qui m'avez écouté aujourd'hui, vous pourrez nous soutenir et suivre ce qu'on va faire. N'attendez pas qu'on le fasse pour en parler autour de vous parce que. Parce qu'en fait, on n'en est plus au point où il faut démontrer que ces gens ont tort, on est au point où il faut commencer à riposter. Voilà, merci beaucoup.